Qu'est-ce qui vous a frappé dans la couverture des événements de Boston? Bien sûr, il y a l'horreur. Moi, il y a certaines choses qui m'ont frappé, mais d'entrée de jeu, je garde ma question très large. Qu'est-ce que vous retenez des événements et qu'est-ce que vous retenez de la couverture? Bon, évidemment, les événements, c'est l'horreur de l'attentat. C'est évident, comme tout le monde. Mais la couverture, moi, m'a fait sursauter à plusieurs reprises parce que j'y ai vu à l'œuvre ce que j'appelle la grille de lecture de gauche. Beaucoup d'angélisme, hein? Beaucoup d'angélisme. Plus que de l'angélisme. L'angélisme, on l'a vu chez Justin Trudeau, là, une espèce de psychologie de, ah oui, de bistrot branché. mais plus encore, parmi bien des commentateurs, c'est encore une fois, évidemment, les soi-disant experts sont presque toujours de gauche, se situent toujours à gauche. Alors, on a recours à la grille de lecture de gauche, qui est la bonne vieille grille de lecture marxiste, léniniste. Les incompris, les exclus. C'est ça. Alors, d'un côté, il y a les opprimés, de l'autre côté, les oppresseurs. Autrefois, ça se traduisait par des classes. Alors, les classes opprimées, le prolétariat, puis les classes qui opprimaient la bourgeoisie, les capitalistes. Et face à cette réalité-là du terrorisme musulman, il faut l'identifier. C'est du terrorisme islamiste. Voilà. Parce que de nos jours, là, le seul terrorisme qui prévaut à travers le monde, c'est le terrorisme islamiste. Il y en a plus d'autres, là. Il y en a plus d'autres, là. Du terrorisme baptiste évangéliste. Les Irlandais ont abandonné, là, le terrorisme, puis les gauchistes rouge de l'Europe, ça fait longtemps que ça se pratique plus. Et les évangélistes baptistes dans le sud des États-Unis, ils ne sont pas sautés. Ils ont vraiment jamais eu recours au terrorisme. Effectivement, je caricature pour montrer que les autres groupes religieux sont possibles. Les vieux cathos là, qu'on méprise, là, les catholiques qu'on méprise, là, ils recourent pas au terrorisme. Exact. Le terrorisme de nos jours, il est musulman. Et on a peur de le dire, de l'identifier comme tel. Alors donc, c'est ça la grille de lecture qui prévaut, puis c'est ça qu'on entendait dans les commentaires. Là, faut comprendre, ils se sentaient opprimés, rejetés. Le pire commentaire, l'un des pires, on va les nommer, là, ces gens-là, là. Jean Barbe, avez-vous lu Jean Barbe en fin de semaine? Jean Barbe qui dit, nous, l'Occident, nous, les riches, n'avons donc aucune responsabilité. La haine qu'on nous porte est totalement gratuite, résultat d'une dérive du sens d'un père de morale. L'Occident triomphant n'est-il qu'une victime innocente? Et là, il dit, mais les Martineau, Boccoté, Dubuc, Roy et Pratt et compagnie sont les apôtres d'une église qui s'en lave les mains et accuse les autres sans jamais reconnaître qu'elle fait partie du problème. C'est épouvantable de dire ça, M. Brassard. C'est vraiment de l'aveuglement là, volontaire. C'est ne pas reconnaître que l'islam est une religion totalitaire. Comprenez ce que je dis là? Oui. Totalitaire, c'est-à-dire qui a la prétention de régenter le privé, le public, la famille, la société, l'État, et donc par conséquent réfractaire par essence à toute forme de laïcité. Et de liberté de penser. Alors donc, et ce qu'on comme Barbe, ce qu'il oublie, là, c'est que les islamistes ne sont pas en guerre contre l'Occident à cause de ce que fait l'Occident. Ils sont en guerre contre l'Occident à cause de ce qu'est l'Occident. C'est la nature même de l'Occident qui leur répugne. La démocratie. La démocratie, la liberté, l'égalité, homme-femme, l'état de droit, la dignité humaine, la solidarité. C'est ça qui leur répugne. Alors, c'est pas parce que, soi-disant, l'Occident opprime. C'est pas du tout pour ça. C'est parce que l'Occident est ce qu'il est. Est ce qu'il est. L'anarcho-panda, l'espèce de bouffon, un prof en passant, là, qui se déguise en pluche pour aller écœurer police à Montréal, est allé écrire sur son Twitter, « J'espère que vous vous sentez mal par rapport à Boston. J'espère, je vais vous lire textuellement, là, même si peut-être qu'il y a un bout de la phrase qui n'a pas de bon sens. J'espère que de vous sentir mal pour Boston vous fait du bien. Mais le capitalisme sauvage tue des milliers par jour. Est-ce que tu écrire une affaire de même? Un bon gauchiste québécois, bah, carré ça, rouge. C'est ça. C'est toujours le recours à la vieille grille marxiste qui ne vaut pas devant cette réalité-là. Ça vaut pas 5 cents. Ça ne vaut rien devant cette réalité-là. Ça ne permet pas de comprendre cette réalité-là, la grille marxiste. Pour comprendre cette réalité-là, il faut penser guerre de religion. Vous comprenez? Guerre de religion. Ça n'a rien à voir. Le cancer tue des milliers aussi chaque jour. Puis c'est pas, parce qu'il y a pas de vie. Pauvres dans le monde, là. Il n'y a pas juste les musulmans qui sont pauvres. Il y en a beaucoup. Il y en a partout dans le monde. Ouais. Toute l'Afrique est pauvre. Ouais. Et les Africains n'ont pas recours au terrorisme. Qui a recours au terrorisme? Ce sont les islamistes. Avec un agenda islamiste, avec un agenda de domination du monde. Ben exactement. Je parle pas des musulmans modérés, là. Je parle des islamistes qui ont le mandat ça aussi, de... Faut le dire, là. Oui, je suis prêt à reconnaître qu'il y a un islam modéré. Sans doute qu'il y a un islam modéré. Je pense à Point de Bascule, qui est un site remarquable, là, tenu par Marc Lebuy. Et qui réussit à en trouver des intellectuels musulmans modérés qui veulent que les musulmans s'adaptent à la réalité occidentale et à une société laïque et libre. Mais je me pose bien la question aussi, s'il y a des musulmans modérés, est-ce qu'il y a un islam modéré actuellement dans le monde? Je la vois pas, en tout cas. Qu'ils se lèvent, les musulmans modérés aussi, qu'ils se lèvent, qu'ils dénoncent qu'ils se lèvent. Mais même en Occident, les musulmans modérés peinent à se manifester. Et alors imaginez-vous en Iran ou en Syrie ou dans la bande de Gaza, si vous êtes un musulman modéré, je pense pas que vous allez manifester votre présence. Hein. Il y a Rima El Khoury aussi qui fait beaucoup jaser, dénoncé par Martineau dans son papier aujourd'hui. Qui Rima El Khoury, qui est la chroniqueuse de la presse. Vous l'avez vu, bah, c'est ça. Oui, elle dit carrément, le vent xénophobe se lève. S'était-il seulement couché? Tairez-vous, on a trouvé le monstre. Rassurez-vous, il n'est pas des nôtres, c'est un étranger. Les cracheurs de haine s'en réjouissent. On s'en réjouit pas, sacrifice! Pas du tout. Il y a eu des victimes, il y a eu des amputés. Oui. Je fais pas la fête. Les gens qui ont applaudi les policiers, c'est parce qu'ils avaient libéré leur ville en... c'était pas l'essence de la vendetta, je l'ai jamais compris comme ça. Il y a personne qui fait la fête par rapport à ça. Il y a personne qui s'en réjouit. Non. Mais en quoi c'est xénophobe, c'est être xénophobe ou islamophobe que de reconnaître et de bien identifier notre ennemi? Hein? Notre ennemi. C'est qui qu'on a devant nous? Ce sont des musulmans fondamentalistes, violents. Voilà. C'est la description. Ben oui. Pourquoi ne pas les identifier? Aux États-Unis, là aussi, là, avec Obama, on refuse d'identifier... Ah, Obama, je l'ai trouvé pitoyable. C'est pathétique, là. Ah, pathétique. Il s'est contraint, là. On voyait qu'il se contraignait pour reconnaître finalement que c'était un acte terroriste. Ah, oh, bien, il y avait de la misère, hein? Ben, il y avait de la misère. Vous savez, le médecin de l'armée qui a dans une base... Fort Hood. Exactement. Qui a tué quasiment, je pense, une vingtaine de personnes en criant Allah, hein, en invoquant Allah. Eh bien, ça, c'est tabou, là. Faut pas le dire. Qu'il était déprimé. Oui, mais c'est ça, ou comme Justin Trudeau le dit, il se sentait exclu. Oui, il se sentait exclu, il était déprimé, il vivait une mauvaise période. C'est pour ça qu'il a pris des armes et qu'il a assassiné 20 personnes. Mais il invoquait Allah en tuant le monde. Ah oui, mais ça, non. C'est un acte de terrorisme, ça, là. Est-ce que ça cache un peu aussi une espèce d'anti-américanisme larvé, le fait primaire, le fait qu'on tourne autour du pot? Il y a plusieurs commentateurs qui revenait là-dessus, hein. Ah, c'est la droite américaine, ce sont les milices. Alors que dans le fond, il n'y avait pas d'indice de quoi que ce soit au tout départ, mais tu sais, très rapidement, ah, c'est sûrement la droite américaine, mais... Ah, oui, ça, on aurait voulu, et on aurait été bien content que ce soit ça, là, dans la gauche, là. On aurait bien content que ce soit des Tea Parties qui avaient fabriqué des bombes puis les fait exploser à Boston. Ça aurait satisfait la gauche, ça. Mais, c'est pas ça la réalité du monde aujourd'hui. C'est ceux qui pratiquent le terrorisme, ceux qui tuent des civils dans le monde actuellement, ce sont des musulmans. Et pas seulement en Occident. Partout dans le monde. Vous savez combien il y a eu d'actes de terrorisme depuis l'effondrement des deux tours en septembre 2001? On les évalue à autour de 20 000. 20 000. Il y a un site qui les recense un par un, là. Il y en a 20 000. Et la majorité de ces actes attentats terroristes, malheureusement, se produisent en terre musulmane. Les terroristes musulmans tuent et ont le goût et l'envie de tuer autant de corréligionnaires que d'occidentaux. Et dans le monde musulman aussi, cependant, il y a les chrétiens. Vous savez que les chrétiens, dans le monde musulman... sont persécutés, surtout en Égypte actuellement. Sont persécutés, massacrés, tués, on brûle leur temple, leur lieu de culte. C'est pas de tout repos être musulman, être chrétien dans le monde musulman. Alors, mais c'est... Et les États-Unis, évidemment, quand ça arrive aux États-Unis, aussitôt, on a dans la gauche surtout, la tentation qu'on a, et on y cède... c'est de dire, c'est de leur faute. Comme la tendresse. C'est de leur faute. Comme Richard la tendresse. J'ai lu ce qu'il a dit, c'est affreux. Vous voulez l'entendre à ce temps, maintenant que vous l'avez lu? On va l'entendre, on l'écoute.